Everybody, everybody, clap your hand, bienvenue à bord de ce vaisseau intergalactique. La meilleure des musiques avec les gens les plus sympatoches de la planète Hoche. C'est sur Galaxy, plus tu écoutes Galaxy, moins tu deviens moche. Ouais, alléluia, bienvenue. Vous allez pouvoir jouer et gagner votre entrée pour la bûche, le Bissell, le Captain, l'Escape, l'âge de zoo, le Colossal, le Pulse, et c'est tout de suite, bonne chance. Au fait, couvrez-vous bien, dehors il fait froid. Le sixième jour. Dieu créa la galaxie. Le septième jour, il se reposa. Et le huitième jour de l'an 2010, dans un laboratoire retiré, un scientifique exilé créa l'impossible. Il est manifestement humain. Incontestablement animal. We'll be right back. Save the Rhythm. Quad Run. Et nous, on aime bien monsieur Philippe Van Mullen. Si. Grand compositeur parmi devant l'éternel. Ouais, c'est comme ça, quoi. On va vous parler tout de suite d'un gala de catch organisé par le village de Beaulieu. Ce sera le samedi 27 janvier à 19h à la salle Roger Sandgros de Waterloo. 5 combats, dont un catch. Il y aura d'un côté JPV, il y aura Tony Maquet, il y aura Stéphane Laroche, il y aura Willy Gilski. Mais on fait équipe pour eux. Hein. Il y aura également Ted Vicious, Drake Kellus, Chris Burner. Il y aura Pierre Booster, terrible. Greg Fury, sans oublier le grand match féminin de Natasha Toscatelli. D'ailleurs, c'est ma voisine. Mouah. Vicky Salamber. Et pour les réservations, 03 20 82 69 41. Ou directement à l'office du tourisme, rue Carnot, ou 03 20 75 85 86. Pour tous les renseignements. Et sans oublier également la fête des associations, les 3 et 4 février à la salle Roger Saint-Langros. Ouverture de 14h à 18h avec l'inauguration à 14h, évidemment. Non, c'est la veille, l'inauguration. Ou le matin même. Ah bon, ben, on verra, on vous l'annoncera. De 14h à 18h30 le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Le thème de cette année, les contes. Pour plus d'infos, allez directement sur le site de ville-waterloo.fr. Et dans les médias, vous allez partir évidemment du côté du standard de Galaxy. On vous offre l'entrée de votre choix et c'est tout de suite. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Allez, vas-y, appelle la radio. Si ça marche pas, tu recommences, t'appuies sur bis et tu niques la touche. days on Galaxy. Bonjour. On écoute Billy tous les matins avant d'aller à Jean Moulin. C'est énorme ce machin. We'll be right back.

Galaxy. Just electronic music. De ce vaisseau intergalactique, c'est beau, c'est chaud, c'est DJ de Raven, le titre de l'album Mind of Earth. D'ailleurs, vous l'avez entendu tout à l'heure, et à l'instant, le Never Surrender dans une version carrément remixée. En tout cas, vous écoutez Galaxy et vous, on va vous parler de plein de bonnes choses, notamment de la bûche. Vendredi, samedi, en compagnie de Samuel Sanders, Silver Sea Steven, et le samedi, Samuel Sanders Chronique, et Frank J, et quelquefois Sick, que l'on salue au passage, que l'on retrouvera également dimanche soir, juste après l'émission de Prélude. Ah bah, fabuleux, hein. D'abord c'est vous relaxer, et après vous boum, bastiquez dans les chaumières, ça va claquer, c'est tant pis pour la voisine. Au Captain, Sly, LB, Mad, Chrissy D, L'H2O, ça, vendredi soir, Miss Jules, que l'on salue au passage, et Ghost d'Anissé, Fredesh Bidman, et L'H2O, samedi, en compagnie de Christian Semey. Vous partez du côté du standard de Galaxy pour la bouche vendredi, samedi, le Bliss samedi, le Captain vendredi, l'Escape samedi, L'H2O samedi, le Colossus samedi, le Pulse Factory samedi également. Out of time. Out of time. Maman, papa, venez voir ce que j'ai trouvé. Il est de Galaxy. Yo, yo, yo. Mais je suis choqué par ce que vous me dites. C'est pas génial. Eh oui, c'est comme ça que ça commence. Mais ensuite, il y a des cris et des... Sauf qu'il peut... Mais qu'est-ce que c'était ? Willy de Galaxy ! Courez, aussi vite que vous pourrez. Envoyez-moi des secours, immédiatement ! Maman est très en colère. veux t'envoyer en l'air ? Willy. Willy, c'est une fois dans ta vie. Vas-y, mets la sauce. We'll be right back. espace trop élevé. Nous vous souhaitons un bon voyage. Merci. Vendredi 26 janvier, évidemment. Demain, ce sera le 27 et dimanche le 28. Un petit rappel des programmes. Tout à l'heure à 10h, Stéphane suivi d'un guest. D'ailleurs, ce sera peut-être Connie tout à l'heure à partir de 13h jusqu'à 17h en compagnie de Mancini. Suivi de Tony, de Storm, de Guillaume ce soir pour le Progressive Session. Alex Kaya, Frank J et Guillaume. Ce sera durant toute la nuit. Demain, Mister Hubert à partir de 8h du mat. Suivi de Jérémy, de Silver, de Jimmy, de Pavla, de Manhattan, de Silver Sea, de Nico & Co. Il y aura Jérôme B également en compagnie de Nico. Ce sera pour toute la nuit et le dimanche, évidemment, on se retrouve en compagnie de Stéphane, suivi de Tom à partir de midi, Michael H à partir de 14h, Ralph, Greg, Steve, il y aura Man Ray, il y aura également Prélude en compagnie de Guillaume de Baskerville, il y aura Sik, il y aura également Silver Sea et Michael H durant toute la nuit. Bienvenue, vous écoutez Galaxy, c'est le matin, tout va bien, et tout de suite, la agenda avec par exemple l'exposition Village et Ville du Nord actuellement jusqu'au 6 février au musée des arts et traditions populaires de Waterloo avec une longue escapade à travers notre département, le mélange du monde rural et également le milieu urbain pour revivre au travers des photographies d'Augustin Boutique le charme et le pittoresque de notre bon vieux 19e siècle. Ah, c'était terrible ça. Il n'y avait pas l'électricité. Les horaires d'ouverture 03 20 81 59 50, toujours une expo de Daniel Delgrange avec Attitude au CSE jusqu'au 31 janvier. Donc, pour plus d'infos, directement l'office du tourisme 03 20 75 85 86. Mais dans l'immédiat, vous partez du côté du standard de Galaxy puisque vous allez pouvoir jouer et gagner, en tout cas, on l'espère pour vous, votre entrée pour aller faire un petit tour du côté des discothèques. Et c'est tout de suite. Galaxy 95.3. Galaxy. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est Willy alors sur Galaxy. Willy, Willy, Willy. My heels are high and I'm thinking about taking a walk. I'm thinking here is only dragging me down. I'm not afraid, I'm gonna take.

tu te souviens, ici et là. Surtout ne bougez pas. Il serait dommage d'abîmer ce beau visage. Je ne voudrais pas que ça se transforme en boucherie. Je crois qu'il est prêt. Allez-y, docteur Willy, montrez à l'auditeur de quoi vous êtes capable. Willy sur Galaxy. Le seul animateur qui te perce les oreilles. Sans rendez-vous. I'm gonna make you move. vraiment trop dur. Ça me va pas mal.